Section 3. Chapitre 11 à 22. Chapitre 11. Hipparque et Hippias. Assassinat du premier. Rapport. Hippias et Hipparque montèrent sur le trône aux applaudissements de la multitude. Sages dans leur gouvernement et faciles dans leurs mœurs, ils avaient ces vertus obscures que l'envie pardonne et ces vices aimables qui échappent à la haine. Peut-être eussent-ils transmis le sceptre à leur postérité, peut-être un seul anneau changé dans la chaîne des peuples aurait-il altéré la face du monde ancien et moderne si la fatalité qui règle les empires n'avait décidé autrement de l'ordre des choses. Hipparque, insulté par Harmodius, jeune Athénien plein de courage, voulut s'en venger par un affront public qu'il fit souffrir à la sœur de ce dernier. Harmodius, la rage dans le cœur, résolut, avec Aristogiton, son ami, d'arracher le jour aux tyrans de sa patrie. Il ne s'en ouvrit qu'à quelques personnes fidèles, comptant, au moment de l'entreprise, sur les principes des uns, les passions des autres, ou du moins sur ce plaisir secret qu'éprouvent les hommes à voir souffrir ceux qu'ils ont crus heureux. Par amour de l'humanité, il faut se donner de garde de remarquer que le vice et la vertu conduisent souvent au même résultat. Le jour de l'exécution étant fixé à la fête des Panathénées, les assassins se rendirent au lieu désigné. Hipparque tomba sous leurs coups, mais son frère leur échappa. Heureux cependant s'il eût partagé la même destinée. Aristogiton, présenté à la torture, accusa faussement les plus chers amis d'Hippias, qui les livra sur-le-champ au bourreau. L'amitié offrit ce sacrifice, aussi ingénieux que terrible, aux mânes d'Harmodius massacrés par les gardes du tyran. Depuis ce moment, Hippias, désabusé du pouvoir des bienfaits sur les hommes, ne voulut plus devoir sa sûreté qu'à sa barbarie. Athènes se remplit de proscriptions, les tourments les plus cruels furent mis en usage, et les femmes, comme de nos jours, s'y distinguèrent par leur constance héroïque. Les citoyens, poursuivis par la mort, se hâtèrent de quitter en foule une patrie dévouée. Mais plus heureux que les émigrés français, ils emportèrent avec eux leurs richesses et conséquemment leurs vertus. C'est ainsi que nous avons vu en France les massacres se multiplier et de nouvelles troupes de fugitifs joindre leurs infortunés compatriotes sur des terres étrangères lorsqu'après le prétendu assassinat d'un des satellites de Robespierre, le monstre se crut obligé de redoubler de furie. Chapitre 12. Guerre des émigrés. Fin de la révolution républicaine en Grèce. Cependant, les bannis sollicitaient au dehors les puissances voisines de les rétablir dans leurs propriétés. Ils firent parler l'intérêt de la religion et celui d'un peuple qu'ils représentaient opprimé par des tyrans. Les lacédémoniens prirent enfin les armes en leur faveur. D'abord repoussés par les Athéniens, un hasard leur donna ensuite la victoire. Les enfants d'Hippias étant tombés entre leurs mains, celui-ci, père avant que d'être roi, consentit pour les racheter à abdiquer sa puissance et à quitter en 5 jours l'Attique. Cette chute-là tire des larmes. On est fâché de voir un tyran finir par un trait dont bien peu d'honnêtes gens seraient capables. On peut fixer à la retraite d'Hippias l'époque des beaux jours de la Grèce et la fin de la révolution républicaine. Car, quoiqu'il s'élevât encore quelques factieux à Athènes, de même qu'après une longue tempête, il se forme encore des écumes sur la mer, ils s'évanouissent bientôt dans le calme. N'oublions pas cependant que les Lacédémoniens qui, en s'armant pour les émigrés, n'avaient eu d'autre vue que de s'emparer de l'Attique, voyant leurs espérances déçues, voulurent rétablir sur le trône celui qu'ils en avaient chassé. Tant ces grands mots de justice générale et de philanthropie veulent dire peu de choses. La soif de la liberté et celle de la tyrannie ont été mêlés ensemble dans le cœur de l'homme par la main de la nature. Indépendance pour soi seul, esclavage pour tous les autres, est la devise du genre humain. La réinstallation du tyran d'Athènes, proposée par les Spartiates au conseil amphictyonique, en fut rejetée avec indignation. Le malheureux Hippias se retira alors à la cour du satrape Artapherne, où bientôt, en attirant les armes du grand roi contre sa patrie, il ne fit que consolider la république qu'il prétendait renverser. C'est un des premiers princes qui, descendu du rang des monarques à l'humble condition de particulier, traîna de contrée en contrée ses malheurs à charge à la terre, ayant partout à dévorer l'insolence ou la pitié des hommes. Ici finit, comme je l'ai remarqué plus haut, la révolution populaire en Grèce, mais, avant de passer aux caractères généraux et à l'influence de cette révolution sur les autres nations, il est nécessaire de revenir à Sparte. Chapitre 13. Sparte, les Jacobins. Sparte se présente comme un phénomène au milieu du monde politique. Là, nous trouvons la cause du gouvernement républicain, non dans les choses, mais dans le plus grand génie qui ait existé. La force intellectuelle d'un seul homme enfanta ces nouvelles institutions d'où est sorti un autre univers. Il n'entre pas dans mon plan de répéter ici ce que 1000 publicistes ont écrit de Lacédémone. Voici seulement quelques réflexions qui se lient à mon sujet. Le bouleversement total que les Français, et surtout les Jacobins, ont voulu opérer dans les mœurs de leur nation en assassinant les propriétaires, transportant les fortunes, changeant les costumes, les usages et le dieu même, n'a été qu'une imitation de ce que Lycurgue fit dans sa patrie. Mais ce qui fut possible chez un petit peuple encore tout près de la nature, et qu'on peut comparer à une pauvre et nombreuse famille, l'était-il dans un antique royaume de 25 millions d'habitants ? Dira-t-on que le législateur grec transforma des hommes plongés dans le vice en des citoyens vertueux, et qu'on eût pu réussir également en France ? Certes, les deux cas sont loin d'être les mêmes. Les Lacédémoniens avaient l'immoralité d'une nation qui existe sans forme civile, immoralité qu'il faut plutôt appeler un désordre qu'une véritable corruption. Une telle société, lorsqu'elle vient à se ranger sous une constitution, se métamorphose soudainement parce qu'elle a toute la force primitive, toute la rudesse vigoureuse d'une matière qui n'a pas encore été mise sur le métier. Les Français avaient l'incurable corruption des lois. Ils étaient légalement immoraux, comme tous les anciens peuples soumis depuis longtemps à un gouvernement régulier. Alors la trame est usée, et lorsque vous venez à tendre la toile, elle se déchire de toutes parts. Il y a plus. Les grands changements que Lycurgue opéra à Lacédémone furent plutôt dans les règlements moraux et civils que dans les choses politiques. Il institua les repas publics et les lesques, bannit l'or et les sciences, ordonna les réquisitions d'hommes et de propriétés, fit le partage des terres, établit la communauté des enfants et presque celle des femmes. Les Jacobins, le suivant pas à pas dans ces réformes violentes, prétendirent à leur tour anéantir le commerce, extirper les lettres, avoir des gymnases, des philities, des clubs. Ils voulurent forcer la vierge ou la jeune épouse à recevoir malgré elle un époux. Ils mirent surtout en usage les réquisitions et se préparaient à promulguer les lois agraires. Ici finit la ressemblance. Le sage lacédémonien laissa à ses compatriotes leurs dieux, leurs rois et leurs assemblées du peuple, qu'ils possédaient de temps immémorial avec le reste de la Grèce. Il ne fit pas vibrer toutes les cordes du cœur humain en brisant à la fois imprudemment tous les préjugés. Il sut respecter ce qui était respectable. Il se donna de garde d'entreprendre son ouvrage au milieu des troubles des guerres qui engendrent toutes les sortes d'immoralités. Il eut à surmonter de grandes difficultés, sans doute, il fut même obligé d'employer une espèce de violence. Mais il n'égorgea point les citoyens pour les convaincre de l'efficacité des lois nouvelles. Il chérissait ceux-là même qui poussaient la haine de ses innovations jusqu'à le frapper. C'est peut-être ici un des plus curieux, de même qu'un des plus grands sujets commémorés dans les annales des nations. Qu'y a-t-il en effet de plus intéressant que de retrouver dans ce passage le plan original de cet étonnant édifice sur lequel les Jacobins ont calqué la fatale copie qu'ils viennent de nous en donner ? Il mérite bien la peine qu'on s'y arrête pour en méditer les leçons. J'opposerai dans les chapitres suivants le tableau des réformations des Jacobins à celui de ces réformations de Lycurgue qui ont servi de modèle aux premières et que j'ai brièvement exposé ci-dessus. Sans cette comparaison, il serait impossible de se former une idée juste des rapports et des différences des deux systèmes considérés dans le génie, les temps, les lieux et les circonstances. Ce sera alors au lecteur à prononcer sur les causes qui consolidèrent la révolution à Sparte et sur celles qui pourraient l'établir ou la renverser en France. Celui qui lit l'histoire ressemble à un homme voyageant dans le désert à travers ces bois fabuleux de l'Antiquité qui prédisaient l'avenir. Chapitre 14. Suite. Quoique les Jacobins se soient indubitablement proposé Lycurgue pour modèle, ils sont cependant partis d'un principe totalement opposé. La grande base de leur doctrine était le fameux système de perfection que je développerai ensuite, savoir que les hommes parviendront un jour à une pureté inconnue de gouvernement et de mœurs. Le premier pas à faire vers le système était l'établissement d'une république. Les Jacobins, à qui on ne peut refuser l'affreuse louange d'avoir été conséquents dans leurs principes, avaient aperçu avec génie que le vice radical existait dans les mœurs et que dans l'état actuel de la nation française, l'inégalité des fortunes, les différences d'opinion, les sentiments religieux et mille autres obstacles, il était absurde de songer à une démocratie sans une révolution complète du côté de la morale. Où trouver le talisman pour faire disparaître tant d'insurmontables difficultés ? À Sparte. Quelles mœurs substituera-t-on aux anciennes ? Celles que Lycurgue mit à la place des antiques désordres de sa patrie. Le plan était donc tracé depuis longtemps, il ne restait plus aux Jacobins qu'à le suivre. Mais comment l'exécuter ? Au moment de la promulgation de ces lois nouvelles, la Laconie était dans une paix profonde. Il était aisé à Lycurgue, moitié de gré, moitié de force, de faire consentir les propriétaires d'un petit pays au partage des terres et à l'égalité des rangs. Il était aisé d'ordonner des armées en masse et des réquisitions forcées pour des guerres à venir quand tout était tranquille autour de soi. Il était aisé de transformer une monarchie en un gouvernement populaire chez une nation qui possédait déjà les principes de ce dernier. Quelle différence de temps, de circonstances, entre l'époque de la réforme lacédémonienne et celle où les Jacobins prétendaient l'introduire chez eux, attaqués par l'Europe entière, déchirés par des guerres civiles, agités de mille factions, ces places frontières ou prises ou assiégées, sans soldats, sans finances, hors un papier discrédité qui tombait de jour en jour, le découragement dans tous les états et la famine presque assurée. Telle était la France, tel le tableau qu'elle présentait à l'instant même qu'on méditait de la livrer à une révolution générale. Il fallait remédier à cette complication de mots, il fallait établir à la fois par un miracle la république de Lycurgue chez un vieux peuple nourri sous une monarchie, immense dans sa population et corrompu dans ses mœurs, et sauver un grand pays sans armée, amolli dans la paix et expirant dans les convulsions politiques de l'invasion de 500 000 hommes des meilleures troupes de l'Europe. Ces forcenés seuls pouvaient en imaginer les moyens, et ce qui est encore plus incroyable, parvenir en partie à les exécuter, moyens exécrables, sans doute, mais il faut l'avouer, d'une conception gigantesque. Ces esprits, raréfiés au feu de l'enthousiasme républicain, et pour ainsi dire réduits par leurs scrutins épuratoires à la quintessence du crime, déployèrent à la fois une énergie dont il n'y a jamais eu d'exemple, et des forfaits que tous ceux de l'histoire mis ensemble pourraient à peine égaler. Ils virent que, pour obtenir le résultat qu'ils se proposaient, les systèmes reçus de justice, les axiomes communs d'humanité, tout le cercle des principes adoptés par Lycurgue ne pouvaient être utiles, et qu'il fallait parvenir au même but par un chemin différent. Attendre que la mort vînt saisir les grands propriétaires, ou que ceux-ci consentissent à se dépouiller, que les années déracinassent le fanatisme et vinssent changer les costumes et les mœurs, que des recrues ordinaires fussent envoyées aux armées, attendre tout cela leur parut douteux et trop long. Et comme si l'établissement de la République et la défense de la France, pris séparément, eussent été trop peu pour leur génie, ils résolurent de tenter les deux à la fois. Les gardes nationales étant achetées, des agents placés à leur poste dans tous les coins de la République, le mot communiqué aux sociétés affiliées, les monstres se bouchant les oreilles ou s'arrachant pour ainsi dire les entrailles de peur d'être attendris, donnèrent l'affreux signal qui devait rappeler Sparte de ses ruines. Il retentit dans la France comme la trompette de l'ange exterminateur, les monuments des fils des hommes s'écroulèrent et les tombes s'ouvrirent. Chapitre 15. Suite. Au même instant, 1000 guillotines sanglantes s'élèvent à la fois dans toutes les cités et dans tous les villages de la France. Au bruit du canon et des tambours, le citoyen est réveillé en sursaut au milieu de la nuit et reçoit l'ordre de partir pour l'armée. Frappé comme de la foudre, Il ne sait s'il veille, il hésite, il regarde autour de lui, il aperçoit les têtes pâles et les troncs hideux des malheureux qui n'avaient peut-être refusé de marcher à la première sommation que pour dire un dernier adieu à leur famille. Que fera-t-il? Où sont les chefs auxquels il puisse se réunir pour éviter la réquisition? Chacun pris séparément se voit privé de toute défense. D'un côté, la mort assurée. De l'autre, des troupes de volontaires qui, fuyant la famine, la persécution et l'intolérance de l'intérieur, vont chercher dans les armées, ivres de vin, de chansons et de jeunesse, du pain et la liberté. Ce citoyen, la guillotine sous les yeux, et ne trouvant qu'un seul asile, part, le désespoir dans le cœur. Bientôt rendu aux frontières, la nécessité de défendre sa vie, le courage naturel aux Français, l'inconstance et l'enthousiasme dont son caractère est susceptible, la paye considérable, la nourriture abondante, le tumulte, les dangers de la vie militaire, les femmes, le vin et sa gaieté native lui font oublier qu'il a été conduit là malgré lui. Il devient un héros. Ainsi, la persécution d'un côté et les récompenses de l'autre créent par enchantement des armées. Car, une fois les premiers exemples faits et les réquisitions obéies, les hommes, par une pente imitative naturelle à leur cœur, s'empressent, quelles que soient leurs opinions, de marcher sur les traces des autres. Voilà bien les rudiments d'une force militaire, mais il fallait l'organiser. Un comité dont on dit que les talents ne pouvaient être surpassés que par les crimes, s'occupe à lier ces corps déjoints. Et ne croyez pas que les tactiques anciennes des Césars et des Turennes soient recherchées. Non, tout doit être nouveau dans ce monde d'une ordonnance nouvelle. Il ne s'agit plus de sauver la vie d'un homme et de ne livrer bataille que quand la perte peut être au moins réciproque. L'art se réduit à un calcul de masse, de vitesse et de temps. Les armées se précipitent en nombre double ou triple pour les masses. Les soldats et l'artillerie voyagent en poste de Nice à Lille quant aux vitesses et les temps sont toujours uns et généraux dans les attaques. On perdra 10 000 hommes pour prendre ce bourg. On sera obligé de l'attaquer 20 fois et 20 jours de suite. Mais on le prendra. Quand le sang des hommes est compté pour rien, il est aisé de faire des conquêtes. Les déserteurs et les espions ne sont pas sûrs. C'est au milieu désert que les ingénieurs vont étudier les parties faibles des armées et assurer la victoire en dépit du secret et du génie. Le télégraphe fait voler les ordres, la terre cède son salpêtre et la France vomit ses innombrables légions. Chapitre 16, suite. Tandis que les armées se composent, les prisons se remplissent de tous les propriétaires de la France. Ici, on les noie, par milliers. Là, on ouvre les portes des cachots pleins de victimes et l'on y décharge du canon à mitraille. Le coutelas des guillotines tombe jour et nuit. Ces machines de destruction sont trop lentes au gré des bourreaux. Des artistes de mort en inventent qui peuvent trancher plusieurs têtes d'un seul coup. Les places publiques inondées de sang deviennent impraticables. Il faut changer le lieu des exécutions. En vain, d'immenses carrières ont été ouvertes pour recevoir les cadavres. Elles sont comblées. On demande à en creuser de nouvelles. Vieillards de 80 ans, jeunes filles de 16, pères et mères, sœurs et frères, enfants, maris, épouses, meurent couverts du sang les uns des autres. Ainsi les Jacobins atteignent à la fois 4 fins principales vers l'établissement de leur république. Ils détruisent l'inégalité des rangs, nivellent les fortunes, relèvent les finances par la confiscation des biens des condamnés, et s'attache l'armée en la berçant de l'espoir de posséder un jour ses propriétés. Cependant le peuple, qui n'est plus entretenu que de conspirations, d'invasions, de trahisons, effrayé de ses amis même et se croyant sur une mine toujours prête à sauter, tombe dans une terreur stupide. Les Jacobins l'avaient prévu. Alors on lui demande son pain et il le donne, son vêtement, et il s'en dépouille, sa vie, et il la livre sans regret. Il voit au même moment se fermer tous ses temples, ses ministres sacrifiés et son ancien culte banni sous peine de mort. On lui apprend qu'il n'y a point de vengeance céleste, mais une guillotine, tandis que par un jargon contradictoire et inexplicable, on lui dit d'adorer les vertus pour lesquelles on institue des fêtes, où des jeunes filles vêtues de blanc et couronnées de roses entretiennent sa curiosité imbécile en chantant des hymnes en l'honneur des dieux. Ce malheureux peuple, confondu, ne sait plus où il est, ni s'il existe. En vain, il se cherche dans ses antiques usages Ils ne se retrouvent plus. Ils voient, dans un costume bizarre, une nation étrangère errer sur ces places publiques. S'ils demandent ces jours de fêtes ou de devoirs accoutumés, d'autres appellations frappent son oreille. Le jour de repos a disparu. Il compte au moins que le retour fixe de l'année ramènera l'état naturel des choses et apportera quelque soulagement à ses maux. Espérance déçue, comme s'il était condamné pour jamais à ce nouvel ordre de misère, des mois ignorés semblent lui dire que la révolution s'étend jusqu'au cours des astres. Et, dans cette terre de prodiges, il craint de s'égarer au milieu des rues de la capitale dont il ne reconnaît plus les noms. En même temps que tous ces changements dérangent la tête du peuple, les notions les plus étranges viennent bouleverser son cœur. La fidélité dans le secret, la constance dans l'amitié, l'amour de ses enfants, le respect pour la religion, toutes les choses que depuis son enfance il saoulait tenir bonnes et vertueuses, ne sont, lui dit-on, que de vains noms dont les tyrans se servent pour enchaîner leurs esclaves. Un républicain ne doit avoir ni amour ni fidélité, ni respect que pour la patrie. Résolu d'altérer la nation jusque dans sa source, les Jacobins, sachant que l'éducation fait les hommes, obligent les citoyens à envoyer leurs enfants à des écoles militaires où on va les abreuver de fiel et de haine contre tous les autres gouvernements. Là, préparés par les jeux de Lacédémone à la conquête du monde, on leur apprend à se dépouiller des plus doux sentiments de la nature pour des vertus de tigre qui ne leur nourrissent que des cœurs d'airain. Tel était, ballotté entre les mains puissantes de cette faction, ce peuple infortuné, transporté tout à coup dans un autre univers, étonné des cris des victimes et des acclamations de la victoire retentissant de toutes les frontières, lorsque Dieu, laissant tomber un regard sur la France, fit rentrer ses monstres dans le néant. Chapitre 17. Fin du sujet. Tels furent les Jacobins. On a beaucoup parlé d'eux et peu de gens les ont connus. La plupart se jettent dans les déclamations, publient les crimes de cette société, sans vous apprendre le principe général qui en dirigeait les vues. Il consistait, ce principe, dans le système de perfection vers lequel le premier pas à faire était la restauration des lois de Lycurgue. Nous avons trop donné aux passions et aux circonstances. Un trait distinctif de notre révolution, c'est qu'il faut admettre la voie spéculative et les doctrines abstraites pour infiniment dans ses causes. Elle a été produite en partie par des gens de lettres, qui, plus habitants de Rome et d'Athènes que de leur pays, ont cherché à ramener dans l'Europe les mœurs antiques. Par cette légère esquisse, j'ai essayé de donner un fil aux écrivains qui viendront après moi. Que de choses me resteraient encore à dire, mais le temps, ma santé, ma manière, tout me précipite vers la fin de cet ouvrage. Ainsi, dès notre premier début dans la carrière, tout fourmille autour de nous de leçons et d'exemples. Déjà Athènes nous a montré nos factions dans le règne de Pisistrate et la catastrophe de ses fils. Sparte vient de nous offrir dans ses lois des origines étonnantes. Plus nous avancerons dans ce vaste sujet, plus il deviendra intéressant. Nous avons vu l'établissement des gouvernements populaires chez les Grecs. Nous allons parler maintenant du génie comparé de ces peuples et des Français, de l'état des Lumières, de l'influence de la Révolution républicaine sur la Grèce, sur les nations étrangères, enfin de la position politique et morale des mêmes nations à cette époque. Chapitre 18. Caractère des Athéniens et des Français. Quels peuples furent jamais plus aimables dans le monde ancien et moderne que les nations brillantes de l'Attique et de la France? L'étranger, charmé à Paris et à Athènes, ne rencontre que des cœurs compatissants et des bouches toujours prêtes à lui sourire. Les légers habitants de ces deux capitales du goût et des beaux-arts semblent formés pour couler leurs jours au sein des plaisirs. C'est là qu'assis à des banquets, vous les entendrez se lancer de fines railleries, rire avec grâce de leur maître, parler à la fois de politique et d'amour, de l'existence de Dieu et du succès de la comédie nouvelle, et répandre profusément les bons mots et le sel attique au bruit des chansons d'Anacréon et de Voltaire, au milieu des vins, des femmes et des fleurs. Mais où court tout ce peuple furieux? D'où viennent ces cris de rage dans les uns et de désespoir dans les autres? Quelles sont ces victimes égorgées sur l'autel des Euménides? Quels cœurs ces monstres, à la bouche teinte de sang, ont-ils dévoré? Ce n'est rien. Ce sont ces épicuriens que vous avez vus danser à la fête et qui, ce soir, assisteront tranquillement aux farces de Thespis ou au ballet de l'opéra. À la fois orateur, peintre, architecte, sculpteur, amateur de l'existence, plein de douceur et d'humanité, du commerce le plus enchanteur dans la vie, la nature a créé ses peuples pour sommeiller dans les délices de la société et de la paix. Tout à coup, la trompette guerrière se fait entendre. Soudain, toute cette nation de femmes lève la tête. Se précipitant du milieu de leur jeu, échappés aux voluptés et aux bras des courtisanes, voyez ces jeunes gens, sans tente, sans lit, sans nourriture, s'avancer en riant contre ces innombrables armées de vieux soldats et les chasser devant eux comme des troupeaux de brebis obéissantes. Les cours qui gouvernent sont pleines de gaieté et de pompe, qu'importe leurs vices. Qu'ils dissipent leurs jours au milieu des orages, ceux-là qui aspirent à de plus hautes destinées. Pour nous, chantons, rions aujourd'hui. Passagers inconnus, embarqués sur le fleuve du temps, glissons sans bruit dans la vie. La meilleure constitution n'est pas la plus libre, mais celle qui nous laisse de plus doux loisirs. Ô ciel, pourquoi tous ces citoyens condamnés à la ciguë ou à la guillotine, ces trônes déserts et ensanglantés, ces troupes de bannis fuyant sur tous les chemins de la patrie? Comment, ne savez-vous pas que ce sont des tyrans qui voulaient retenir un peuple fier et indépendant dans la servitude? Inquiets et volages dans le bonheur, constants et invincibles dans l'adversité, nés pour tous les arts, civilisés jusqu'à l'excès durant le calme de l'État, grossiers et sauvages dans leurs troubles politiques, flottant comme un vaisseau sans lest au gré de leurs passions impétueuses, à présent dans les cieux, le moment d'après dans l'abîme, enthousiastes et du bien et du mal, faisant le premier sans en exiger de reconnaissance, le second sans en sentir de remords, ne se rappelant ni leurs crimes ni leurs vertus, amants pusillanimes de la vie pendant la paix, prodigues de leurs jours dans les batailles, vains, railleurs, ambitieux, novateurs, méprisant tout ce qui n'est pas eux, individuellement les plus aimables des hommes, encore les plus détestables de tous, charmants dans leur propre pays, insupportables chez l'étranger, tour à tour plus doux, plus innocents que la brebis qu'on égorge, et plus féroce que le tigre qui déchire les entrailles de sa victime. Tels furent les Athéniens d'autrefois et tels sont les Français d'aujourd'hui. Au reste, loin de moi la pensée de chercher à diffamer le caractère des Français. Chaque peuple a son vice national, et si mes compatriotes sont cruels, ils rachètent ce grand défaut par 1000 qualités estimables. Ils sont généreux, braves, pères indulgents, amis fidèles. Je leur donne d'autant plus volontiers ces éloges qu'ils m'ont plus persécuté. Chapitre 19. De l'état des Lumières en Grèce, au moment de la Révolution républicaine, siècle de Lycurgue. Lorsque je parlerai des Lumières dans cet essai, je ne m'attacherai principalement qu'à la partie morale et politique. Ce qui regarde les arts n'est pas à proprement parler de mon sujet, cependant j'en toucherai quelque chose selon l'influence qu'ils auront eue sur les hommes dont j'écrirai alors l'histoire. En commençant nos recherches au siècle de Lycurgue et en les finissant à celui de Solon, nous voyons d'abord paraître Homère et Hésiode. Je n'entretiendrai point le lecteur de ces deux fameux poètes. Qui n'a lu l'Iliade et l'Odyssée? Qui ne connaît les travaux et les jours? La Théogonie, le bouclier d'Hercule. Homère a donné Virgile à l'antique Italie et le Tasse à la Nouvelle, le Camoens au Portugal, Ercilia à l'Espagne, Milton à l'Angleterre, Voltaire à la France, Klopstock à l'Allemagne. Il n'a pas besoin de mes éloges. Pour nous, le côté intéressant des poèmes de ce sublime génie est leur action sur la liberté de la Grèce. Lycurgue les apporta à Sparte et voulut que ses compatriotes épuisassent cet enthousiasme guerrier qui met les peuples à l'abri de la servitude étrangère. Solon fit des lois expresses en faveur de ce même Homère qui, comme historien, ne s'offre pas sous des rapports moins précieux. Aux seuls Athéniens, il donne le nom de peuple, aux Scythes l'appellation des plus justes des hommes, et souvent caractérise ainsi par un seul trait la politique et la morale de l'Antiquité. Les ouvrages d'Hésiode sont pleins des plus excellentes maximes. Le poète ne voyait pas les hommes sous des couleurs riantes. Il respire cette mélancolie antique qui semble être le partage des grands génies. On sait que Virgile a puisé dans les travaux et les jours l'idée de ces géorgiques. C'est de la belle description de l'âge d'or qu'il a tiré ce morceau ravissant. « O fortunatos nimium, sua si bona norent agricolas ». L'influence d'Hésiode sur son siècle dut être considérable dans un temps où l'art d'écrire en prose était à peine connu. Ses poésies tendaient à ramener les hommes à la nature et la morale, revêtue du charme des vers, a toujours un effet certain. Thalès de Crète, poète et législateur, dont nous ne connaissons plus que le nom, fut le précurseur des lois à Lacédémone. Il consentit par amitié pour Lycurgue à se rendre à Sparte et à préparer, par la douceur de ses chants et la pureté de ses dogmes, les esprits à la révolution. Ces grands hommes savaient qu'il ne faut pas précipiter tout à coup les peuples dans les extrêmes si l'on veut que les réformes soient durables. Il n'est point de révolution là où elle n'est pas opérée dans le cœur. On peut détourner un moment par force le cours des idées, mais si la source dont elles découlent n'est pas changée, elles reprendront bientôt leur pente ordinaire. Ainsi les philosophes de l'Antiquité adoucissaient les traits de la sagesse en lui prêtant les grâces des muses. Parmi les modernes, les Anglais ont eu l'honneur d'avoir appliqué les premiers la poésie à des sujets utiles aux hommes. Quant à nous, nous avons été préparés aux bonnes mœurs par la Pucelle et d'autres ouvrages que je n'ose nommer. Chapitre 20. Siècle moyen. Le siècle qui suivit immédiatement celui de Lycurgue fournit les noms de quelques législateurs, mais leurs écrits ne nous sont pas parvenus. Dans l'âge subséquent parut Tyrthée, dont les chants firent triompher l'injustice, Archiloque, plein de crimes et de génie, qui donna le premier exemple d'un homme qui ose publier l'histoire intérieure de sa conscience à la face de l'univers, Hipponax, exhalant le fiel et la haine, l'esprit des temps perce à chaque vers de ses poètes. La véhémence et l'enthousiasme dominent dans les passions qu'ils ont peintes. Ce fut le siècle de l'énergie, quoique ce ne fût pas celui de la plus grande liberté. La remarque n'est pas frivole, elle décèle cette fermentation qui devance et annonce le retour périodique des révolutions des peuples. Dracon florissait aussi à la même époque. Il avait composé un ouvrage que Jean-Jacques Rousseau nous a donné dans son sublime Émile. C'était un traité de l'éducation où, prenant l'homme à sa naissance, il le conduisait à travers les misères de la vie jusqu'à son tombeau. Le destin des deux révolutions grecques et françaises fut d'être précédé à peu près par les mêmes écrits. Épiménide chercha, comme Fénelon, à ramener les hommes au bonheur par l'amour et le respect des dieux. Si je ne craignais de mêler les petites choses aux grandes, je dirais encore qu'il a payé son tribut à notre révolution en fournissant à M. Flin le sujet de son ingénieuse comédie. Malheureusement, nous n'avons ici que des différences. Quelle comparaison pourrions-nous découvrir entre les livres d'un âge moral et ceux des temps du Régent et de Louis XV? C'est en vain que nous nous abusons. Si, malgré Condorcet et la troupe des philosophes modernes, nous jugeons du présent par le passé, si un siècle renferme toujours l'histoire de celui qui le suit, je sais ce qui nous attend. Chapitre 21. Siècle de Solon. C'est ici l'époque d'une des plus grandes révolutions de l'esprit humain, de même qu'elle le fut d'un des plus grands changements en politique. Toutes les semences des sciences fermentées depuis longtemps dans la Grèce y éclatèrent à la fois. Les Lumières ne parvinrent pas, comme de nos jours, au zénith de leur gloire, mais elles atteignirent cette hauteur médiocre d'où elles éclairent les hommes sans les éblouir. Ils y voient alors assez pour tenir le chemin de la liberté et non pas trop pour s'égarer dans les routes inconnues des systèmes. Ils ont cette juste quantité de connaissances qui nous montre les principes, sans avoir cet excès de savoir qui nous porte à douter de leur vérité. La tragédie prit naissance sous Thespis, la comédie sous Susarion, la fable sous Ésope, l'histoire sous Cadmus, l'astronomie sous Thalès, la grammaire sous Simonide. L'architecture fut perfectionnée par Memnon, Antimachide, la sculpture par une multitude de statuaires, mais surtout la philosophie et la politique prirent un essor inconnu. Une foule de publicistes et de législateurs parurent tout à coup dans la Grèce et donnèrent le signal d'une révolution générale. Ainsi les Locke, les Montesquieu, les Jean-Jacques Rousseau, en se levant en Europe, appelèrent les peuples modernes à la liberté. Jetons d'abord un coup d'œil sur les beaux-arts. Chapitre 22. Poésie à Athènes, Anacréon, Voltaire, Simonide, Fontane, Sappho, Parnie, Alcée, Ésope, Nivernois, Solon, les deux Rousseaux. Pisistrate, en usurpant l'autorité souveraine, avait senti que, pour la conserver chez un peuple volage, il fallait l'amuser par des fêtes. On retient plus facilement les hommes avec des fleurs qu'avec des chaînes. Il remplit sa patrie des monuments du génie et des arts. Ses fils, imitant son exemple, firent de leur cour le rendez-vous des beaux esprits de la Grèce. La capitale de l'Attique retentissait comme celle de la France, du bruit des vers et des orgies. Écoutons le chantre octogénaire de Théos et le vieillard de Ferney au milieu des cercles brillants de Paris et d'Athènes. Que m'importent les vains discours de la rhétorique? Qu'ai-je besoin de tant de paroles inutiles? Apprenez-moi plutôt à boire du jus vermeil de Bacchus, à folâtrer avec l'amoureuse Vénus aux cheveux d'or. Garçon, couronne ma tête blanchie par les ans, verse du vin pour assoupir mon âme. Bientôt tu me déposeras dans la tombe, et les morts n'ont plus de désir. Si vous voulez que j'aime encore, rendez-moi l'âge des amours. Au crépuscule de mes jours, rejoignez, s'il se peut, l'aurore. Des beaux lieux où le dieu du vin, avec l'amour, tient son empire, le temps qui me prend par la main m'avertit que je me retire. De son inflexible rigueur, tirons du moins quelque avantage, qui n'a pas l'esprit de son âge a tout le malheur. Ainsi je déplorais la perte des plaisirs de mes premiers ans. Lorsque, du ciel daignant descendre, l'amitié vint à mon secours, elle était peut-être aussi tendre, mais moins belle que les amours. Touchée de sa grâce nouvelle et de sa lumière éclairée, je la suivis, mais je pleurais de ne pouvoir plus suivre qu'elle. Si ces deux petits chefs-d'œuvre du goût et des grâces prouvent que la bonne compagnie est partout une et la même, et qu'on s'exprimait à la cour d'Hipparque comme à celle de Louis XV et de Louis XVI, ils montrent aussi qu'un peuple qui pense avec tant de délicatesse s'éloigne à grands pas de la simplicité primitive, et par conséquent approche des temps de révolution. Auprès d'Anacréon, on voyait briller Simonide, dont le cœur épanchait sans cesse la plus douce philosophie. Il excellait à chanter les dieux, mais lorsqu'il venait à toucher sur sa lyre les notes plaintives de l'élégie, la tristesse et la volupté de ses accents jetaient l'âme en un trouble inexprimable. Sa morale était vraie, quoiqu'elle tendît un peu à éteindre l'enthousiasme du grand. Il disait que la vertu habite des rochers escarpés où l'homme ne saurait atteindre sans être entraîné dans l'abîme. Qu'il n'y a point de perfection, qu'il faut plaindre et non censurer nos faiblesses, que nous ne vivons qu'un moment, mourons pour toujours, et que ce moment appartient au plaisir. Si quelque chose peut nous donner une idée de ce mélange ineffable de religion et de mélancolie répandu dans les vers du poète de Céos, ce sont les fragments qu'on va lire. Monsieur de Fontane peut être appelé avec justice le Simonide français. Tout mon regret est de ne pouvoir insérer le morceau dans son entier, malheureusement le plan de cet essai ne le permet pas. Le poème est intitulé « Jour des morts » et retrace une fête de l'Église romaine qui se célèbre le second jour de novembre de chaque année. Déjà du haut des cieux, le cruel Sagittaire avait tendu son arc et ravageait la terre. Les coteaux et les champs et les prés défleuris n'offraient de toutes parts que de vastes débris. Novembre avait compté sa première journée, seul alors et témoin du déclin de l'année. Heureux de mon repos, je vivais dans les champs, et quel poète épris de leurs tableaux touchants, quel sensible mortel des scènes de l'automne n'a chéri quelquefois la beauté monotone. Oh, comme avec plaisir la rêveuse douleur, le soir, foule à pas lents ses vallons sans couleur, cherche les bois jaunis et se plaît au murmure du vent qui fait tomber la dernière verdure. Le bruit sourd a pour moi je ne sais quel attrait, tout à coup si j'entends s'agiter la forêt. D'un ami qui n'est plus, la voix longtemps chérie, me semble murmurer dans la feuille flétrie. Aussi, c'est dans ces temps où tout marche au cercueil que la religion prend un habit de deuil. Elle en est plus auguste et sa grandeur divine croît encore à l'aspect de ce monde en ruine. Ici se trouve la peinture du prêtre, pasteur vénérable, qui console le vieillard mourant et soulage le pauvre affligé. L'homme juste se rend ensuite au temple. Après un discours analogue à la cérémonie, il dit et prépara l'auguste sacrifice. Tantôt ses bras tendus montraient le ciel propice, tantôt il adorait, humblement incliné. Ô moment solennel, ce peuple prosterné, ce temple dont la mousse a couvert les portiques, ses vieux murs, son jour sombre et ses vitraux gothiques, cette lampe d'airain qui, dans l'Antiquité, symbole du soleil et de l'éternité, lui, devant le Très-Haut, jour et nuit suspendu, la majesté d'un Dieu parmi nous descendu, les pleurs, les vœux, l'encens qui montent vers l'autel, et de jeunes beautés qui, sous l'œil maternel, adoucissent encore par leur voix innocente de la religion la pompe attendrissante. Cet orgue qui se tait, ce silence pieux, l'invisible union de la terre et des cieux, tout en flamme, agrandi, émeut l'homme sensible. Il croit avoir franchi ce monde inaccessible, où, sur des harpes d'or, l'immortel séraphin, au pied de Jéhovah, chante l'hymne sans fin. C'est alors que sans peine un Dieu se fait entendre, il se cache au savant, se révèle au cœur tendre, il doit moins se prouver qu'il ne doit se sentir. La foule, précédée de la croix, et mêlant ses chants sacrés aux murmures lointains des tempêtes, marche vers l'asile des morts. Là, la veuve pleure un époux, la jeune fille un amant, la mère un fils à la mamelle. Trois fois l'assemblée fait le tour des tombes, trois fois l'eau lustrale est jetée. Alors le peuple saint se sépare, les brouillards de l'automne s'entr'ouvrent, et le soleil reparaît dans les cieux. Simonide eut une destinée à peu près semblable à celle des poètes français de nos jours. Il vit les deux régimes à Athènes, la monarchie sous les Pisistratides et la République après leur expulsion. Témoin des victoires des Grecs sur les Perses, il les célébra dans des hymnes triomphales. Comblé des faveurs d'Hipparque, il l'avait chanté et il loua sans mesure les assassins de ce prince. Les monarques tombés doivent s'attendre à plus d'ingratitude que les autres hommes parce qu'ils ont conféré plus de bienfaits. Cependant, Anacréon et Simonide n'étaient pas les seuls poètes qui eussent acquis l'immortalité. Toute la Grèce répétait alors les vers de cette Sappho, si célèbre par ses vices et son génie. Il était encore donné à notre siècle de nous rappeler l'immoralité des goûts de la dixième muse. Je veux croire que ces mœurs ne se rencontrait pas parmi nous dans les rangs élevés où la calomnie qui s'attache au malheur s'est plu à les peindre. Sappho eut encore une influence plus directe sur son siècle en inspirant aux lesbiennes l'amour des lettres. C'est ce qui fit naître les soupçons que l'ode suivante n'est pas propre à dissiper. À son ami, heureux qui près de toi, pour toi seul, soupire, qui jouit du plaisir de t'entendre parler, qui te voit quelquefois doucement lui sourire, les dieux, dans son bonheur, peuvent-ils l'égaler? Je sens de veine en veine une subtile flamme courir par tout mon corps, sitôt que je te vois. Et, dans les doux transports où s'égare mon âme, je ne saurais trouver de langue ni de voix. Un nuage confus se répand sur ma vue, je n'entends plus, je tombe en de douces langueurs, et pâle, sans haleine, interdite, éperdue, un frisson me saisit, je tremble, je me meurs. Opposons à ce fragment de la muse de Mytilène un passage du seul poète élégiaque que la France ait encore produit. Les mœurs des peuples se peignent souvent aussi bien dans les sonnets d'amour que dans des livres de philosophie. Délire. Il est passé ce moment des plaisirs dont la vitesse a trompé mes désirs. Il est passé. Ma jeune et tendre amie, ta jouissance a doublé mon bonheur, ouvre tes yeux noyés dans la longueur, et qu'un baiser te rappelle à la vie. Éléonore, amante fortunée, reste à jamais dans mes bras enchaînée. Pardonne tout et ne refuse rien. Éléonore, amour est mon complice, mon corps frissonne en s'approchant du tien, plus près encore, je sens avec délice ton sein brûlant palpiter sous le mien. Oh, laisse-moi dans mes transports avides boire l'amour sur tes lèvres humides. Oui, ton haleine a coulé dans mon cœur, des voluptés, elle y porte la flamme. Objet charmant de ma tendre fureur, dans ce baiser, reçois toute mon âme. Je laisse décider au lecteur qui, du Tibulle de la France ou de l'amante de Phaon, a peint la passion avec plus d'ivresse. Les deux poètes semblent avoir fait couler dans leurs vers la flamme de ces soleils sous lesquels ils prirent naissance. Il eût été curieux de voir comment Alcée, chassée de Mytilène par une révolution, chantait les malheurs de l'exil et de la tyrannie. Malheureusement, il ne nous reste rien de ce poète. Le fabuliste Ésope florissait aussi dans cet âge célèbre. Passant un jour à Athènes et trouvant les citoyens impatients sous le joug de Pisistrate, il leur dit « Les grenouilles, s'ennuyant de leur liberté, demandèrent un roi à Jupiter. Celui-ci se moqua de leurs folles prières, elles redoublèrent d'importunité, et le maître de l'Olympe se vit contraint de céder à leurs clameurs. Il leur jeta donc une poutre, qui fit trembler tout le marais dans sa chute. Les grenouilles, muettes de terreur, gardèrent d'abord un profond silence, ensuite elles osèrent saluer le nouveau prince, et s'approcher de lui toutes tremblantes. Bientôt, elles passèrent de la crainte à la plus indécente familiarité, elles sautèrent sur le monarque, insultant à son peu d'esprit et à sa vertu tranquille. Nouvelle demande à Jupiter, cette fois-ci, il leur envoya une cigogne, qui, se promenant dans ses domaines, se mit à croquer tous ceux de ses sujets qui se présentèrent. Alors ce furent les plaintes les plus lamentables. Le souverain des dieux refusa de les entendre. Il voulut que les grenouilles gémissent sous un tyran, puisqu'elles n'avaient pu souffrir un bon roi. Oh, comme toute la vérité de cette fable tombe sur le cœur d'un Français, comme c'est là notre histoire. Outre son immortel fabuliste, la France en compte un autre qui a vu de près les malheurs de la Révolution. Monsieur de Nivernois n'a ni la simplicité d'Ésope, ni la naïveté de La Fontaine, mais son style est plein de raison et d'élégance. On y retrouve le vieillard et l'homme de bonne compagnie. Le papillon et l'amour. Fable. Le papillon se plaignait à l'amour. « Voyez, lui disait-il un jour, voyez quel caprice est le vôtre. Si jamais le destin a fait deux êtres vraiment l'un pour l'autre, c'est vous et moi. Le rapport est complet entre nous deux. Même allure est la nôtre, convenez-en de bonne foi. Qui devrait donc, si ce n'est moi, guider de votre char la course vagabonde ? Mais vous prenez pour cet emploi le seul oiseau constant qui soit au monde. Laissez le pigeon roucouler avec l'hymen, et daignez m'atteler à votre char, et qu'au gré du caprier, on nous voit ensemble voler, car ainsi le veut la justice. Ami, répond l'amour, tu raisonnes fort bien. Je t'aime, et je le sais, notre humeur se ressemble. Mais gardons-nous de nous montrer ensemble, alors nous ne ferions plus rien. Le vrai bonheur n'est que dans la constance, et mes pigeons l'annoncent aux mortels. Je les séduis par l'apparence, si je ne les trompais, je n'aurais plus d'hôtel. Il est temps de donner au lecteur une relique précieuse de littérature. Comme législateur, Solon est connu du monde entier. Comme poète, il ne l'est que d'un petit nombre de gens de lettres. Il nous reste plusieurs fragments de ses élégies, je vais les traduire ou les extraire selon leur mérite, ou leur médiocrité. Illustre fille de Mnémosyne et de Jupiter olympien, muse, habitante du mont Pierus, écoutez ma prière. Faites que les dieux immortels m'envoient le bonheur, que je possède l'estime de l'honnête homme. Pour mes amis toujours aimables et enjoués, que pour mes ennemis mon caractère soit triste et sévère, qu'aux uns je paraisse respectable, aux autres terrible. Un peu d'or satisferait mes désirs, mais je ne voudrais pas qu'il fût le prix de l'injustice. Tôt ou tard, elle est punie. Les richesses que les dieux dispensent sont durables, celles que les hommes amassent, les suivent, pour ainsi dire, à regret, et se perdent bientôt dans les malheurs. Le triomphe du crime s'évanouit, Dieu est la fin de tout. Semblable au vent qui trouble, jusque dans les profondeurs de l'abîme, les vastes ondes de la mer, Au vent qui, après avoir ravagé les campagnes, s'élève tout à coup dans les cieux, séjour des immortels, et y fait renaître une sérénité inattendue. Le soleil, dans sa mâle beauté, sourit amoureusement à la terre virginale, et les nuages brisés se dissipent, telle est la vengeance de Jupiter. Toi, qui caches le crime dans ton cœur, ne crois pas demeurer toujours inconnu. Immédiat ou suspendu, le châtiment marche à ta suite. Si la justice céleste ne peut t'atteindre, un jour viendra que tes enfants innocents porteront la peine des forfaits de leur père coupable. Hélas, tous, tant que nous sommes, vertueux ou méchants, notre propre opinion nous semble toujours la meilleure, jusqu'à ce qu'elle nous soit fatale. Alors nous nous plaignons des dieux parce que nous avions nourri de folles espérances. Le poète continue à peindre l'imbécilité humaine. Le malade incurable croit guérir, le pauvre attend des richesses, les uns s'exposent sur les flots, d'autres déchirent le sein de la terre, etc. La destinée dispense et les biens et les maux. Nous ne pouvons nous soustraire à ce qu'elle nous réserve. Il y a du danger dans les meilleures actions. Souvent les projets du sage échouent et ceux de l'insensé réussissent. Le passage suivant est extrêmement intéressant en ce qu'il peint l'état moral d'Athènes au moment de sa révolution. La ville de Minerve ne périra jamais par l'ordre des destinées, mais elle sera renversée par ses propres citoyens. Peuples et chefs insensés qui ne pouvaient ni rassasier vos désirs, ni jouir en paix de vos richesses, méritez vos malheurs à force de crimes. Sans respect pour le droit sacré des propriétés ou pour les trésors publics, chacun s'empresse de spolier le bien de l'État, insouciant des saintes lois de la justice. Celle-ci, cependant, dans le silence, compte les événements passés, observe le présent et arrive à l'heure marquée pour la punition du crime. Voilà la première cause des morts de l'État. C'est là ce qui le fait tomber dans l'esclavage, ce qui allume le feu de la sédition et réveille la guerre qui dévore la jeunesse. Hélas, la chère patrie est soudain accablée d'ennemis, des batailles, sources de pleurs, se livrent et sont perdues, le peuple indigent est vendu dans la terre de l'étranger et indignement chargé de fer. Solon finit par exhorter ses concitoyens à changer de mœurs et recommande surtout la justice. Cette mère des bonnes actions, qui tempère les choses violentes, prévient l'exaltation, corrige les lois, réprime l'enthousiasme et retient le torrent de la sédition dans des bornes. Ces élégies politiques, qu'on me passe l'expression, sont accompagnées de quelques autres pièces de poésie d'une teinte différente. Le morceau sur l'homme, rapproché des stances de Jean-Baptiste Rousseau, offrira une comparaison piquante. Jupiter donne les dents à l'homme dans les 7 premières années de sa vie. Avant qu'il ait parcouru 7 autres années, il annonce sa virilité. Durant la période suivante, ses membres se développent et un duvet changeant ombrage son menton. La 4e époque le voit dans toute sa vigueur et fait éclater son courage. La 5e l'engage à solenniser la pompe nuptiale et à se créer une postérité. Dans la 6e, son génie se plie à tout et ne se refuse qu'aux ouvrages grossiers du manœuvre. Dans la 7e, il acquiert le plus haut degré de sagesse et d'éloquence. La 8e y ajoute la pratique des hommes. À la 9e commence son déclin, que si quelqu'un parcourt les 7 derniers ans de sa carrière, qu'il reçoive la mort sans l'accuser de l'avoir surpris. Ode sur l'homme. Que l'homme est bien pendant sa vie un parfait miroir de douleur. Dès qu'il respire, il pleure, il crie, et semble prévoir ses malheurs. Dans l'enfance, toujours des pleurs, un pédant, porteur de tristesse, des livres de toutes couleurs, des châtiments de toute espèce. L'ardente et fougueuse jeunesse le met encore en pire état, des créanciers, une maîtresse, le tourmente comme un forçat. Dans l'âge mûr, autre combat, l'ambition le sollicite, richesse, honneur, faux éclats, soins de famille, tout l'agite. Vieux, on le méprise, on l'évite, mauvaise humeur, infirmité, tout, gravelle, goutte et pituite, assiège sa caducité. Pour comble de calamité, un directeur s'en rend le maître, il meurt, enfin, peu regretté, c'était bien la peine de naître. Solon et Jean-Baptiste n'ont pas dû représenter le même homme. Ils se servaient de différents modèles. L'un travaillait sur le beau antique, l'autre d'après les formes gothiques de son siècle. Leurs pinceaux se sont remplis de leurs souvenirs. Il me reste une chose pénible à dire. Le sévère auteur des lois contre les mauvaises mœurs, le restaurateur de la vertu dans sa patrie, Solon, enfin, avait pollué la sainteté du législateur par la licence de sa muse. Le temps a dévoré ses écrits, mais la mémoire s'en est conservée avec soin. Quelques lignes qui, bien qu'innocentes, décèlent le goût des plaisirs, ont été soigneusement recueillies. Pour toi, commande longtemps dans ces lieux, mais que Vénus, au sein parfumé de violette, me fasse monter sur un vaisseau léger et me renvoie de cette île célèbre. Qu'en faveur du culte que je lui ai rendu, elle m'accorde un prompt retour dans ma patrie. Les présents de Vénus et de Bacchus me sont chers, de même que ceux des muses qui inspirent d'aimables folies. C'est ainsi que l'auteur du Contrat social et de l'Émile a pu écrire « Ô Mouron, ma douce amie, Mouron, la bien-aimée de mon cœur, que faire désormais d'une jeunesse insipide dont nous avons épuisé toutes les délices ?» Non, ce ne sont point ces transports que je regrette le plus. Rends-moi cette étroite union des âmes que tu m'avais annoncée et que tu m'as si bien fait goûter. Rends-moi cet abattement si doux, rempli par les effusions de nos cœurs. Rends-moi ce sommeil enchanteur trouvé sur ton sein. Rends-moi ce réveil plus délicieux encore, et ces soupirs entrecoupés, et ces douces larmes, et ces baisers qu'une voluptueuse langueur nous faisait lentement savourer, et ces gémissements si tendres durant lesquels tu pressais sur ton cœur ce cœur fait pour s'unir à lui. Bon jeune homme qui lit ceci, et dont les yeux brillent de larmes, à cet exemple de la fragilité humaine, cultive cette précieuse sensibilité, la marque la plus certaine du génie. Pour toi, homme parfait, que je vois dédaigneusement sourire, descends dans ton intérieur, applaudis-toi, si tu peux, de ta supériorité. Je ne veux de toi, ni pour ami, ni pour lecteur. Fin de la section 3.